Je t'en prie, ne t'envole pas. T'es celle qui me donne goût à la vie. Je t'en prie, reste dans mes bras. Continuons de nous faire plaisir. Dis-le-moi encore. Avec tes mains posées sur mon torse, faisons-le encore. Ce geste qui me fait perdre le contrôle. Si tu souhaites vraiment t'envoler, laisse-moi te faire kiffer une dernière fois. Je n'oublierai jamais lorsque nous l'avions fait pour la première fois, non. Le seul qui te fait frissonner car il t'aime vraiment, bébé, c'est moi. Si tu souhaites vraiment t'en aller, laisse-moi essayer de changer ton choix. Oh ouais, oh ouais. Je rêve encore de ces moments là où tu me prenais dans tes bras. Ton parfum. Je ne voyais pas tirer mon pire, mais je ne peux te retenir. Si tu t'en vas, il n'y a pas de mal, pourquoi résistes-tu encore? Je le vois très bien que tes lèvres ont envie de mon corps. Ne te retiens pas ce soir, car la lune est bonne. J'entends ton cœur en battre, je sens ta peau qui frissonne. Il n'y a pas de mal, pourquoi résistes-tu encore? Je le vois très bien que tes lèvres ont envie de mon corps. Ne te retiens pas ce soir, car la lune est bonne. J'entends ton cœur en battre, je sens ta peau qui frissonne. Baby, quand t'es là, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Mais quand tu t'éloignes de moi, I'm lost, baby, quand t'es là. I'm in love, I'm in love, I'm in love, baby. I love, I love you. Dis-moi que tu n'es pas comme ça. Ne lâche pas. Rien à foutre que les gens parlent. Nous sommes plus forts que ça. C'est vrai que ça n'est pas facile pour toi. Qu'une autre histoire a bouleversé tous tes plans. Mais dis-moi ce que tu prévois. Si t'écoutes ton cœur ou bien la raison. Je le vois très bien que tes lèvres ont envie de mon corps. Ne te retiens pas ce soir, car la lune est bonne. J'entends ton cœur en battre, je sens ta peau qui frissonne. Il n'y a pas de mal, pourquoi résistes-tu encore? Je le vois très bien que tes lèvres ont envie de mon corps. Ne te retiens pas ce soir, car la lune est bonne. J'entends ton cœur en battre, je sens ta peau qui frissonne. Baby, quand t'es là, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Mais quand tu t'éloignes de moi, I'm lost, baby, quand t'es là.